Allô. Eh, hey, qu'est-ce qu'a fait Pagna? Eh, hey, ça va ou quoi? Voilà où il est là. Bah, Paris, hein. Ah bon, bala, il bon fond, bala, Kani. Écoute, pour commencer, t'as pas le soleil des Canaries. Y'a trop de canaïfs et les arnaques, c'est ce que c'est qu'à la risque. T'imagines pas la liste de trucs de ouf à faire quand ça part en vrille. Je te jure que les cours de kung fu ça sert. On fait tout pour pas se perdre, cherche pas les raccourcis, cherche pas la merde vu que c'est nous que la flicaille a pour cible. Bref, dans ma ville c'est aussi touristique. N'écoute pas le maire, on sait tous qu'il est tout bourristique. Y'a des faubourgs mystiques, monuments historiques, des vautours qui te suivent pour vendre des cartouches de Philippe Maurice. Ici, y'aura toujours de quoi te satisfaire. Crois pas ce qu'on te dit, c'est pas tous les jours qu'il y a des balles qui se perdent. Pour moi y'a pas de mystère, ici c'est ma ville frère. Déjà en cours, j'entouré en rouge sur un planisphère. Ça plane au hachiche vrai, même dans les bars chicha. Les plus fontés finissent dans un lit de l'hôpital Bicha. Y'a trop de parties de chasse, ouvertes sur les champs. Ça drague pour des numéros de portables qui s'échangent. Paris attire les gens, la tour Eiffel observe. Au fait, je veux le maillot de Paris le jour de mes obsèques. Y'a le musée d'Orsay, dans le ticket des orfèvres. Y'a trop de contrôleurs, je prends mon ticket désormais. On cherche le trésor mec, et ce qui est très fort c'est qu'on fait des films avec des scénarios comme fait Scorsese. Ici c'est l'hystérie, quand Paris pas Marseille. Mon fric part vite, alors BNP Paris pas Marcel. Ne parlons pas de la scène, plus pollué ta part. Faut surveiller ta femme, c'est le QG des rapaces. Dans ma ville y'a trop de rappeurs mais beaucoup plus et ça. Ça a fort de pomper et de se croire aux yeux et ça. Ma ville c'est Paris, pas Miami Beach. Nostalgique, tu rappes pas l'ancienne comme il y a 10 piges. J'attends des clips avec des biatchs comme un pornofilm. Les MC sont les travaux de la porte dauphine. Demande aux filles qu'elles pensent de ma ville. Certaines diront y'a trop de loups, sortir en jupe jamais de la vie.